Mais à part ceux qui choisissent de te consacrer pour un temps, tu imprimes sur leurs jours un signe, une route différente devant. Même dans l'abstinence et le silence, tu apprends la force de l'attente. Car ce que l'on dépose devant toi, tu le changes en source vivante. Et au cœur de cette mise à part, tu fais retentir ta bénédiction. Que ton visage rayonne sur nous, que ta paix repose sur nos maisons, que ta grâce éclaire nos jours et que ton nom soit notre horizon. Que ton regard se lève sur nous, que ton amour reste notre don. Tu es le Dieu qui bénit son peuple pour aujourd'hui et pour demain. Ce n'est pas seulement une formule, ce sont des mots chargés de ciel. Quand tes prêtres lèvent la voix, c'est ton cœur qui s'approche d'elle. Tu poses ton nom sur nos vies comme un sceau de protection, et même dans les vents contraires, tu nous enveloppes de ta paix profonde. Que ton visage rayonne sur nous,